Yesterday, I explained the seven benefits of practicing Vipassana meditation according to the four foundations of mindfulness. Kaya Nupassana, mindfulness on the body. Vedana Nupassana, mindfulness on the feelings. Citta Nupassana, mindfulness on the consciousness. Dhamma Nupassana, mindfulness on the Dhamma. These are the four foundations of mindfulness. According to the teachings of the Buddha, the Satipatthana Sutta, we practice Vipassana meditation. When we practice meditation, we should try to follow what the Buddha taught. Hier, je vous ai parlé des sept bénéfices qu'amène la pratique de la méditation Vipassana et des quatre établissements de l'attention. Les quatre établissements de l'attention sont Kaya Nupassana, la contemplation du corps, Vedana Nupassana, la contemplation des sensations, Citta Nupassana, la contemplation de l'esprit, et Dhamma Nupassana, la contemplation des objets mentaux. Nous qui sommes ici, nous pratiquons donc la méditation conformément aux instructions du Bouddha qui se trouve expliquées dans le Satipatthana Sutta. Lorsqu'on médite, il faut s'efforcer d'appliquer correctement les instructions du Bouddha. Il faut les appliquer avec précision. Au début du Satipatthana Sutta, le Bouddha parle de Atapa. Atapa, c'est l'énergie. C'est une énergie à la fois physique et mentale. Je vous en ai déjà parlé hier. L'énergie mentale, c'est le fait de noter tout ce qui se manifeste à chaque instant dans le corps et dans l'esprit. Tout cela doit être noté avec précision, avec attention et de façon assidue. L'énergie physique concerne la posture. La posture devra être maintenue bien droite et correcte, que ce soit en posture assise ou en marche. Nous avons donc besoin de ces deux formes d'énergie, l'énergie physique et l'énergie mentale, lorsque nous pratiquons Vipassana. Mais cette énergie est également indispensable pour la pratique de Samatha. C'est pour toutes ces raisons que nous devons nous efforcer de méditer de façon respectueuse. Les instructions sont très faciles à comprendre. Les instructions, en résumé, c'est être toujours conscient de tout ce qui se passe en soi, que ce soit physique ou mental. Même un enfant peut comprendre ces instructions. Mais la mise en application de ces instructions est très difficile. C'est pourquoi nous devrons faire preuve de courage et persévérer dans la pratique. Plus nous serons attentifs, plus nous verrons que c'est difficile. C'est très difficile d'être toujours attentif, et le yogi va l'expérimenter très rapidement. Ici, nous pratiquons en suivant les instructions du Vénérable Mahasi Sayadaw. Le Vénérable Mahasi Sayadaw recommandait à ses élèves de se choisir comme objet primaire d'attention les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. L'abdomen, c'est donc la demeure de l'esprit, le point d'ancrage pour l'esprit. Notez ainsi les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, c'est pratiquer Kaya Nupassana, l'attention au corps. Mais l'attention au corps, Kaya Nupassana, ne se limite pas à l'abdomen. C'est également observer toutes les activités physiques, tous les mouvements que nous sommes amenés à faire tout au long de la journée. Tout cela, c'est Kaya Nupassana. Au début, le méditant va donc s'efforcer de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. C'est l'objet principal à observer. Il doit essayer de rester immobile, sans bouger. Tout simplement parce qu'il essaye de développer sa concentration. Pour que la concentration puisse se développer, le corps doit être calme, immobile. Si le corps change toujours de posture, l'esprit va devenir agité. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention de ne pas bouger, de rester immobile pendant la méditation. Le méditant doit développer la patience. Mais au début, ceci est très difficile, car l'attention n'est pas encore développée. Et le yogi n'est pas non plus habitué à rester immobile lorsqu'il ressent des sensations désagréables. C'est pourquoi il a tendance à bouger et son esprit devient agité. Mais il doit faire un gros effort pour ne pas le faire. Lorsque la sensation douloureuse devient très intense, le yogi verra apparaître en lui le désir de changer de posture, de bouger, de se gratter, etc. S'il doit se gratter par exemple, il faut alors qu'il observe attentivement le mouvement du corps et tous les changements qui se produisent. Il doit noter, se gratter, bouger, bouger, se pencher, se pencher. Il doit noter toutes ses activités corporelles avec attention, précision et de façon respectueuse. Faire cela, c'est également pratiquer Kaya Nupassana, l'attention au corps physique. L'attention au corps, Kaya Nupassana, c'est donc observer attentivement non seulement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, mais toutes les activités, tous les mouvements du corps. Ici, les yogis pratiquent la méditation vipassana. En résumé, la méditation vipassana, c'est noter tout ce qui se manifeste en soi par les 6 portes sensorielles. Noter entendre, voir, sentir, goûter, toucher et penser. Le but, c'est de réaliser la véritable nature de tous ces processus. La véritable nature de tous ces processus, c'est qu'ils sont tous anicca, dukkha et anatta. Anicca, c'est le fait qu'ils changent constamment. Dukkha, c'est l'insatisfaction. Et anatta, c'est le non-soi. Le méditant doit réussir à comprendre de façon authentique ces 3 caractéristiques des phénomènes. Si nous n'avons pas encore vu ces choses, nous devons pratiquer en suivant correctement les instructions et les appliquer de façon diligente. Tout ce qui pénètre en nous par les 6 sens doit donc être noté. Mais il n'est pas possible au début de noter tous ces contacts sensoriels. C'est impossible parce que l'attention est encore trop faible, la concentration également n'est pas encore développée, et en conséquence, l'esprit s'éparpille facilement. C'est pourquoi nous devons apprendre à noter avec attention, précision et de façon diligente l'objet primaire. Mais même l'objet primaire est difficile à noter. C'est difficile de suivre le mouvement de l'abdomen du début à la fin. C'est pour cette raison qu'inlassablement, le professeur rappelle aux méditants qu'ils doivent s'efforcer d'être toujours attentifs. Il leur demande également de prendre des respirations complètes. Ce n'est pas facile de prendre des respirations complètes pendant toute la séance, surtout pour les débutants. Ils vont très vite abandonner. Ils ne sont pas habitués à respirer de façon complète. Mais s'ils ne respirent pas de façon complète, ce ne sera pas facile d'être attentif. Avant de commencer à méditer, le méditant doit donc se dire qu'il va s'efforcer d'observer attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il va également s'efforcer de respirer de façon complète pendant toute la séance. De cette façon, il pourra voir très clairement les mouvements dans l'abdomen. S'il observe de façon constante le mouvement de soulèvement tel qu'il lui apparaît, le mouvement d'abaissement tel qu'il lui apparaît, son attention va rapidement se développer. Ce n'est pas si difficile d'y arriver. Et tôt ou tard, le méditant verra, comprendra la véritable nature du mouvement. Lorsqu'il observera le mouvement de soulèvement et qu'il notera donc « soulèvement », il pourra voir que l'abdomen s'élève. Parfois, ce mouvement d'élévation de l'abdomen, de soulèvement, se fera rapidement, parfois de façon abrupte. Tout cela, le méditant le verra. Lorsqu'il notera abaissement et qu'il observera attentivement le mouvement, il verra clairement que l'abdomen s'abaisse de toutes sortes de façons. Plus le méditant observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, plus il voit en détail tous les changements, tout ce qui se passe à chaque instant. S'il poursuit son observation de cette façon et qu'il note sans interruption ses mouvements, il verra également l'insatisfaction dukkha et l'absence d'un ego permanent anatta. Il est possible de pratiquer de deux façons. On peut pratiquer Samatha Yanika et Vipassana Yanika ou Suddha Vipassana, le pur Vipassana. Samatha Yanika consiste à se concentrer sur les inspirations et les expirations au niveau des narines, Anapanasati. Le Bouddha a également enseigné Anapanasati. Mais ici, nous pratiquons la deuxième forme de méditation appelée Vipassana Yanika. Ce qui veut dire que nous allons observer dès le départ tous les contacts sensoriels, quelle que soit la porte par laquelle ils se présentent. Lorsque on pratique Vipassana Yanika, on développe également la concentration. Quand j'étais jeune, les professeurs demandaient aux méditants du village de pratiquer Vipassana. Les yogis devaient noter, selon cette méthode, pendant 3 jours, les inspirations et les expirations au niveau des narines. Ce n'est qu'après qu'ils changeaient d'objet. Lorsqu'ils changeaient d'objet, ils devaient essayer d'expérimenter anicca dans tout le corps. Un jour, on invita un professeur de la tradition de Mahasi. Ce professeur expliqua alors aux yogis la méthode de Mahasi Sayadaw qui consiste à choisir comme objet primaire les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Les élèves passèrent tous à la pratique de Vipassana accompagnée des 4 établissements de l'attention. Lorsque on pratique Samatha, on observe donc les inspirations et les expirations au niveau des narines, c'est Anapanasati. En fait, cela revient à la même chose qu'observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais ici, on se concentre sur le nez. Par la pratique de Samatha, il est possible de développer la concentration, mais il n'est pas possible de développer la sagesse, la compréhension. Alors qu'avec Vipassana, il est possible de développer la concentration et la compréhension, la sagesse. En fait, noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen est plus facile qu'observer le nez. Lorsqu'on observe les inspirations et les expirations au niveau des narines ou les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il ne faut pas se limiter à ces deux objets. Il faut en fait observer l'élément air qui se manifeste partout dans le corps. Il y a 6 sortes d'air. L'air qui voyage vers le haut, l'air qui voyage vers le bas, l'air qui se trouve dans les membres, par exemple, lorsque on passe à la posture assise, c'est l'élément air qui est présent, lorsqu'on étend le bras, lorsqu'on s'étire, l'air est toujours présent lorsqu'on effectue ses mouvements. Il y a également l'air dans les intestins, l'air lié à la respiration. Lorsqu'on pratique, il faudra donc observer toutes ces sortes d'air. Si nous apprenons à respirer de façon complète, nous pourrons observer très facilement l'air à l'intérieur du corps. Nous verrons non seulement l'air au niveau des poumons, mais nous le verrons également très clairement au niveau de l'abdomen. Si le méditant réussit à voir très clairement l'élément air partout dans le corps, il sera très intéressé par sa pratique. Il sera curieux et voudra persévérer, voudra continuer pour faire encore des expériences. Il va alors maintenir son attention sans interruption. Sa concentration va se développer et lorsque la concentration sera devenue forte, il va comprendre la véritable nature de tous ces processus. Autrement dit, il va réaliser anicca, dukkha et anatta. C'est pourquoi le Bouddha nous dit, Bhikkhu, vous devez développer la concentration. Une fois que la concentration sera développée, vous pourrez voir clairement les choses telles qu'elles sont réellement. Vous réaliserez anicca, dukkha et anatta. Ici, nous pratiquons donc la méditation vipassana et les instructions nous viennent du vénérable Mahasi Sayadaw. Les instructions du vénérable Mahasi Sayadaw s'enracinent dans l'enseignement du Bouddha. Ce ne sont pas ses instructions à lui, ce sont en fait les instructions du Bouddha. Le vénérable Mahasi Sayadaw a étudié à fond l'enseignement du Bouddha. Il a également consacré sa vie à la méditation. C'est pourquoi nous avons beaucoup de chance d'avoir un tel professeur. Quand j'étais jeune, en Birmanie, les gens pensaient que la méditation était quelque chose qui était réservé aux moines, aux nonnes et aux personnes âgées. Les jeunes n'étaient pas censés pratiquer la méditation, ce n'était pas pour eux. Un jour, le premier ministre de Birmanie invita le vénérable Mahasi Sayadaw et lui demanda de fonder un centre de méditation digne de ce nom à Rangoon. Il faut savoir que le vénérable Mahasi Sayadaw, à l'époque, enseignait déjà Vipassana dans son village. Mais il faut également savoir qu'en Birmanie, la pratique de l'étude des Écritures est très répandue. Il y a partout des monastères où on étudie les Écritures, Pariyatti. Mais la pratique elle-même, la pratique de la méditation, n'était pas très développée. C'est pourquoi le Premier ministre était très désireux de trouver un bon professeur pour ouvrir un centre de méditation digne de ce nom à Rangoon. Il invita donc le Vénérable Mahasi Sayadaw à créer ce centre. Le Vénérable Mahasi Sayadaw fut ainsi encouragé à faire savoir au public que la méditation n'est pas quelque chose qui est réservé aux moines ou aux nonnes, ni aux personnes âgées, que tout le monde doit s'efforcer de la pratiquer. Au début, dans le centre de Rangoon, il n'y avait pas beaucoup d'élèves, une vingtaine d'élèves à peine. Mais le Vénérable Mahasi Sayadaw persévéra et encouragea de plus en plus de monde à pratiquer la méditation. Actuellement, la méditation est devenue très populaire en Birmanie grâce à ses efforts. S'il vous plaît, souvenez-vous de l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha parle de Atapa, Satima et Sampajanya. Atapa, c'est l'effort ardent. Satima, c'est l'attention. Et Sampajanya, la claire compréhension. Lorsqu'on médite, il faut s'efforcer d'être toujours attentif au corps et à l'esprit. Il faut également être attentif à faire un effort. Il faut maintenir l'attention sans interruption, mais ceci est très difficile parce qu'il y a beaucoup de pensées et les pensées emportent l'esprit. Il y aura toutes sortes de souvenirs, des projets d'avenir, des analyses, des pensées en tout genre. S'il y a beaucoup de pensées, cela veut tout simplement dire que l'attention n'est pas encore très développée. Si l'attention n'est pas développée, il est impossible de réaliser la véritable nature des processus, la véritable nature du corps et de l'esprit. C'est pour toutes ces raisons que le Bouddha parle donc de Atapa, l'effort ardent, de Satima, l'attention ininterrompue. Il parle également de Chanda. Chanda, c'est le désir de pratiquer. Si nous n'avons pas Chanda, nous n'aurons pas envie de pratiquer. Mais il faut donc essayer d'avoir ce désir de pratiquer et de fournir un effort pour être attentif sans interruption. Si nous fournissons cet effort et que notre attention devient ininterrompue, automatiquement nous aurons Sampajanya, la claire compréhension. Ceci va se manifester spontanément, c'est le résultat de l'effort et de l'attention ininterrompue. Quel est donc le devoir du méditant? Le seul devoir du méditant, c'est de s'efforcer d'être attentif à chaque instant. Il ne doit rien rechercher, rien espérer, rien vouloir réaliser. Il doit simplement être attentif et disposer de atapa, et de Chanda. Si vous avez compris l'enseignement du Bouddha, vous aurez compris que lorsqu'on médite, il ne faut rien rechercher. Il faut simplement être attentif et disposer de Chanda et de Atapa l'effort. En posture assise, vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sans interruption si possible. Vous ne recherchez rien, vous n'espérez rien, vous êtes simplement attentif à ces mouvements. Lorsque vous pratiquez la marche, vous ne recherchez rien, vous êtes simplement attentif au mouvement. Lorsque vous pratiquez la méditation dans les activités quotidiennes, vous ne recherchez rien, vous n'espérez rien, vous êtes simplement attentif à tout ce que vous faites tout au long de la journée. Dès que votre attention se sera stabilisée sur l'objet, vous pourrez comprendre clairement. Vous ne comprendrez pas que les sensations, vous n'expérimenterez pas que des sensations. Vous allez expérimenter beaucoup d'autres choses, tout simplement parce que votre attention sera devenue forte. C'est pour toutes ces raisons que l'attention est quelque chose de tout à fait indispensable lorsqu'on pratique Vipassana. Lorsque donc vous aurez réussi à réaliser, voir la véritable nature du corps et de l'esprit grâce à votre attention développée, il n'y aura plus aucune confusion en vous, il n'y aura plus de doute. Vous disposerez alors de Sampajanya, la claire compréhension. Cette claire compréhension va se manifester spontanément, automatiquement, si vous réussissez à maintenir votre attention sans interruption, à obtenir la continuité de l'attention. La claire compréhension va avoir pour conséquence que la confusion va disparaître de votre esprit. Un des attributs du Dhamma, c'est Sandhitika. Sandhitika veut dire « à réaliser par soi-même », à réaliser par soi-même, correctement, à fond, clairement. That's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.